Pour les autres, ce matin, vous pouvez prendre vos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 14. C'est là que nous sommes rendus dans nos études sur les dons spirituels. Dieu nous a donné un corps physique qui fait un paquet de choses sans qu'on en soit conscient. Et même quand on dort et qu'on dit que le conscient est comme pas là, l'inconscient prend la relève et on continue à vivre. Le corps continue à fonctionner. Et je crois que c'est une chose qu'il faut retenir dans l'étude des dons spirituels, c'est que Dieu a donné, a formé à l'Église un corps, où le corps de Christ c'est l'Église, où l'Église c'est le corps de Christ. Aujourd'hui, l'Église fonctionne. Et tous les membres de l'Église fonctionnent. Parce que c'est la tête qui s'en occupe. Personnellement, j'ai la conviction que l'Église va accomplir l'œuvre que Dieu lui a préparée. J'ai aucun doute là-dessus. Si je prendrais sur ma responsabilité, ou si on prendrait sur notre responsabilité, que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, et que ce ne serait pas drôle. Ça veut dire qu'on n'y participe pas. Oui, on y participe. Mais ça ne dépend pas de nous. Je l'ai déjà dit, je le répète, Dieu ne laissera jamais dans la main des enfants de Dieu le fait de bâtir son Église. C'est lui qui a dit, « Je bâtirai mon Église. » Et avec cela, chaque semaine, chaque jour de notre vie, on peut se lever, commencer notre journée, travailler pour le Seigneur en disant, « Je sais que l'œuvre de Dieu va s'accomplir. Je sais que l'œuvre de Dieu va se faire dans le monde aujourd'hui. » Parce qu'elle dépend de Dieu. Les élus de tous les temps, depuis toute éternité, qui avaient dû être sauvés le 23 juillet, aujourd'hui, dans le monde, vont tous être sauvés. Croyez-vous ça? Moi, je crois ça, Dieu comme tu fais. Tous les élus de Dieu qui ont été écrits dans son livre, sauvés le 23 juillet 2006, vont être sauvés aujourd'hui. Il n'y a pas un demain qui va dire, ah, moi je devais être sauvé, mais il y en a un qui ne m'a pas parlé, fait que je n'ai pas été sauvé. Personne ne va pouvoir dire ça. Ça ne nous enlève pas nos responsabilités, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on ne serait pas capable de trouver la grâce de travailler si on n'avait pas cette conviction-là profonde que Dieu est en train de faire son œuvre. Dieu a dit un jour aux pharisiens, s'ils ne parlent pas, je vais prendre les roches de là. Il était en train de dire que c'était son affaire, sa job, c'était son histoire, c'était ses affaires, c'était son peuple. C'était lui qui était en train d'amener son fils à la croix. C'est lui qui était en train de faire l'œuvre de salut pour l'humanité. Et il dit, je ne laisserai pas les hommes détruire ce que j'ai commencé de faire. Et s'ils ne parlent pas, les roches vont parler. Ça ne veut pas dire que Dieu va utiliser les roches si on ne parle pas. Il ne faut pas pousser mon affaire à l'extrême. Il faut prendre le principe. Le principe est là. Dieu est en train de bâtir l'Église. Et pour faire ça, il y a un corps, et ce corps-là, c'est nous, et il nous a donné des dons. Chacun de nous, des dons différents, ou une place différente dans le corps de Christ. Et on a vu ensemble, chez les Corinthiens, à partir du chapitre 12, que les Corinthiens avaient un problème avec les dons. C'était quoi? C'est quoi le problème de fond qu'il y avait? Ils pensaient beaucoup aux dons des langues, mais il y avait un autre, plus profond. Hein? Oui, les dons étaient devenus une source d'orgueil, une source de valorisation personnelle. Ils prenaient les dons que Dieu leur avait donnés pour bâtir l'Église et glorifier Dieu, ils prenaient les dons et ils se glorifiaient avec. Ils se vantaient avec. Ils voulaient montrer leur spiritualité à toute l'Église à travers leurs dons. C'est ce qu'on a fait depuis toute éternité, dans le sens que d'être humain, au lieu de glorifier Dieu avec ce qu'il nous a donné en tant que talent, le péché nous amène à utiliser nos talents, nos capacités qu'on a, dans, humainement parlant, pour se glorifier. Oui, pas plus chrétien, mais meilleur chrétien du moins. Meilleur chrétien que d'autres. Et je vous ai déjà dit, les meilleurs chrétiens, ça n'existe pas. Il y a des chrétiens obéissants, des chrétiens désobéissants. Ça fait partie de notre vie à chacun de nous. Des fois, on est obéissant, des fois, on est désobéissant. Mais il n'y en a pas de meilleur. Il n'y en a pas de meilleur. Si vous pensez que vous êtes meilleur, venez me voir à la réunion. On va jaser un petit peu. On va jaser un petit peu. On est tous là par grâce. Hein. Et en tout cas, vous l'avez dit ce matin, en prenant ce petit bout de pain-là, cette petite coupe de raisin-là, là, vous l'avez pris, vous l'avez dit. Je suis sauvé à cause de ça. Donc, vous avez dit, vous n'êtes tous pas meilleurs que les autres. Vous n'avez pas été sauvé à cause de tes meilleurs. Puis vous n'êtes pas ici ce matin parce que vous avez réussi à mettre en pratique vos dons plus que moi cette semaine. On est ici juste à cause de la grâce du Seigneur. Juste à cause de la grâce du Seigneur. Mais les Corinthiens, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas besoin d'être instruits. Et Paul va, chapitre 12, 13, 14, va les instruire sur les dons. Comment ils devraient utiliser leurs dons? Comment ils devraient faire ça? Quel est le but des dons? On va voir ça ensemble que l'apôtre Paul, après leur avoir dit que s'ils utilisaient leurs dons sans amour, ça servait à rien. Ils étaient rien, eux autres, s'ils n'avaient pas l'amour dans leur cœur. Il dit, ce qui est plus important que tous les dons que vous pouvez avoir, c'est l'amour qui va dans votre cœur, qui va vous aider à utiliser ces dons-là, premièrement par amour pour Dieu et par amour pour les frères. Les deux seuls commandements de la Bible, aime ton Dieu et aime ton prochain. Donc, il dit, prends tes dons et aime ton Dieu avec et aime ton prochain avec ces dons-là que je t'ai donnés. Chez les Corinthiens, comme Denise a fait remarquer, il y avait une engouement pour le don des langues. Un engouement pour le don des langues. C'était devenu la ou le don par excellence, l'expression première de la spiritualité chez les Corinthiens. Et dans beaucoup de mouvements évangéliques aujourd'hui, on dit cela aussi, malheureusement encore, on dit que le don des langues, c'est l'expression fondamentale de la spiritualité. Je me souviens une fois que j'ai rencontré des gens d'un autre mouvement, puis la seule chose qu'ils m'ont demandé, ils m'ont pas demandé si j'étais sauvé, ils m'ont demandé si je parlais en langue. Ils m'ont demandé si je parlais en langue. J'ai dit non. Il dit, comme ça, tu n'as pas reçu Saint-Esprit, on va t'imposer les mains pour que tu sois le Saint-Esprit. Ah, oh, mais non, là, j'ai dit non, le Saint-Esprit, je l'ai, ça. Ah oh, non, il dit, tu ne l'as pas. Si tu ne parles pas en langue, tu ne l'as pas. Donc, l'expression de la spiritualité, de la présence de Dieu, c'était les langues. Ma vie, c'est mettre donner une importance à un don plus qu'à un autre don. Et l'apôtre Paul, il dit non à cela. Et on va voir en s'en allant, je ne sais pas si on n'aura pas tout parlé tout le temps, on va voir tout le chapitre 14 aujourd'hui, mais on va voir que Paul ne va jamais dire dans ce texte-là, comme il n'a pas dit dans les autres textes qu'on a étudiés, que le nom des langues ne devrait pas exister. Il n'a pas dit ça. Vous ne trouverez jamais un verset dans la Bible qui va dire que le don de Paul dit « Ne parlez pas en langue ». Jamais un verset de la Bible dit ça. Mais il va le réglementer, cela. Il va parler de ce don-là comme des autres dons. Il va donner sa raison d'être à ce don-là comme les autres dons. Je me souviens que un groupe que j'étais à la salle, il y avait un groupe d'hommes et de femmes qui avaient quitté une église charismatique, une église évangélique, mais charismatique, et parce qu'il y avait eu des problèmes, en tout cas, de morale dans l'église. Ils ont parti à une autre église. Et ils se sont dit, parce qu'il y avait la pratique des dons des langues dans ce mouvement-là, le monsieur, parce que je l'ai connu, parce qu'il est venu à l'église baptiste après, il dit, on s'est dit ceci. On dit, on va prendre un Corinthiens 14, on va essayer de le mettre en pratique. Donc, pas plus que deux ou trois qui parlent en langue, un à la fois, et seulement ceux des interprètes pour interpréter dans les langues. Et dans l'espace de quelques semaines, personne ne parle en langue dans l'église. T'as arrêté tout seul? Personne n'a parlé. Un à la fois, pas plus que deux ou trois, et un interprète avec ça, s'il vous plaît, et ça l'a arrêté tout seul. Ils ont compris pas, tu n'es coussé. Pourquoi ça a arrêté? On va voir ça en finissant. Donc, ils ont mis en pratique seulement les règles que Paul a dit, et ça leur a donné la ligne directive dans l'Église à ce moment-là. L'apôtre Paul va dire au chapitre 14, si vous êtes là, au verset 1, recherchez l'amour, aspirez au don spirituel, mais surtout celui de prophétie. Donc, on va voir ensemble que l'apôtre Paul va dire aux chrétiens dans l'Église qu'ils doivent rechercher surtout le don de prophétie. Et là, les autres recherchaient quoi? Ils cherchaient le don des langues. Et il va dire, non, j'aimerais ce que vous recherchez le don de prophétie, plus aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. On a vu ensemble la semaine passée que, je crois que le texte ici veut dire, pas aspirer en tant qu'individu, mais aspirer en tant qu'Église. Je crois qu'il veut dire, personnellement, aspirer à avoir le don de prophétie en place dans l'Église, en fonction dans l'Église, plus que le don. On va voir pourquoi il va dire ça tout à l'heure. Il y a une raison pourquoi l'apôtre Paul veut que le don de prophétie prenne la priorité dans l'Église. Est-ce que le don de prophétie était plus important que les autres, était plus valorisant que les autres? Je ne crois pas. Hein? Lui aussi, il va donner des règles pour gérer ça. Mais il veut cela. Il y a une raison pour ça. Et on va voir ensemble ces raisons-là. Que nous, en tant qu'Église de Mont-Tremblant, ce texte-là est là pour nous autres aussi. Quand il dit aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie, il ne dit pas de ne pas aspirer aux autres, mais aussi à celui de prophétie. Pourquoi? On va voir ça ensemble afin qu'on puisse mettre en pratique dans notre vie aussi ces choses-là en tant qu'Église. Qu'est-ce que ça veut dire le mot prophétie? Qu'est-ce que ça veut dire prophétie? Le don de prophétie. Certains chrétiens vont dire que le don de prophétie, c'est le don de dire l'avenir. Ça peut faire partie de ça. Le don de prophétie pouvait faire partie de ça. Mais le mot prophète, le mot prophétie, a un sens très précis dans les Écritures, c'est celui qui se met entre. Le mot grec veut dire celui qui est entre deux autres personnes. Le prophète était entre Dieu et le peuple. Comme les sacrificateurs étaient entre Dieu et le peuple. Le prophète recevait de Dieu des paroles et se tournait vers le peuple et il parlait au peuple. Il disait, ainsi parle l'Éternel. Ça pouvait être des paroles du passé, ça pouvait être des paroles du présent et ça pouvait être des paroles futures. Mais il parlait de la part de l'Éternel au peuple de Dieu. Donc ici, il dit, recherchez le don de prophétie dans l'Église. Parce qu'il dit que le don de prophétie édifie toute l'Église. On va voir que dans ce chapitre 14, qu'il y a un mot qui revient une dizaine de fois, si ce n'est pas plus, c'est le mot édification. Édifier. Qu'est-ce que ça veut dire édifier? Construire. Le mot édifier veut dire construire. Dans la construction, on va prendre de l'encouragement pour construire, mais le mot édifier, c'est un mot de construction. Édifier une bâtisse. Construire quelque chose. Prendre des blocs, des pierres, du bois et bâtir. C'est ce que le mot veut dire. Bâtir l'Église. Donc, il dit les dons qu'on va voir ensemble, tous les dons devraient servir à édifier l'Église. Pas que l'Église se sente mieux. Pas que l'Église se sente bien. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas que l'Église parte de l'Église le dimanche matin et dit « On a eu un bon temps! » Ça veut dire quoi? Ça dit, fait, je vais demander ma soeur dans ma tête. Qu'est-ce qu'il veut dire un matin quand il dit ça? Qu'est-ce qu'ils veulent me dire des fois? C'était bon, François, matin. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Là, je ne comprends pas des fois. Qu'est-ce qu'il veut dire, le gars? Parce que dans ma tête, si ça fait du bien. Mais si ça fait du bien, puis que ça fait juste faire du bien comme une caresse, ça ne sert à rien. Il faut que ça l'édifie, la personne. Il faut que ça la construise. Il faut que cette personne-là, qui part de l'Église, ou qui part d'une rencontre avec moi, qui part d'un temps de communion fraternelle avec moi, quand elle part, qu'elle s'en tourne chez eux, elle est édifiée. C'est-à-dire qu'elle est plus forte qu'elle était quand elle est arrivée chez nous. Elle était bâtie. On a ajouté un clou, on a ajouté une planche, on a ajouté une pierre, et ça nous est plus fort qu'avant. Si ça ne fait pas ça, moi j'appelle ça juste des belles réunions, c'est du social. C'est juste du social. Social religieux. Vous savez qu'on est des milliards dans les églises aujourd'hui, à travers le monde, à travers le Québec, à travers le Canada, à travers les États-Unis. On va être des milliards dans les églises aujourd'hui. L'église doit être édifiée. Si ça ne fait pas ça, c'est juste du religieux. Juste des religions. On dit souvent aux gens, nous, on n'est pas une religion. On n'est pas une religion, nous autres. on veut que ça rentre dans la tête des gens. On n'est pas une religion. Mais s'il n'y a pas d'édification dans l'Église le matin, parce que tout ce qu'on fait, on est une religion. La religion baptiste. Si moi je pars d'ici ce matin et je n'ai pas été édifié, qu'est-ce que ça m'a donné de venir ici? Parce que la Bible nous dit que nos réunions doivent nous édifier. On a vu au chapitre 13, 12, que les réunions des Corinthiens, ça faisait quoi, ça? Ils les démolissaient. La Bible dit, vous réunissez, vous partez, pire, vous êtes pire en partant qu'en arrivant. Et ça, c'est pas édifier, c'est démolir. Il dit, vous devriez vous rencontrer pour être édifié, puis vous partez, vous êtes démoli. Donc, l'Église, c'est faite pour édifier, s'édifier mutuellement, pour se bâtir mutuellement et afin qu'on soit plus fort pour le Seigneur. Et les dons, ça sert à ça. Donc, le don de prophétie édifie toute l'Église. Lisons ensemble à partir du verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive de l'édification. Le mot édifier revient là, quasiment à tous les versets. Paul dit, si ce que tu fais n'édifie pas, fais-les donc pas. Si ça ne l'édifie pas, il dit, fais-les donc pas. Il dit, qu'est-ce que les langues font ici? Il dit pas, il ne parle pas négativement des langues, loin de là, parce que c'est un don de Dieu. Il dit que les langues, il dit, de lui qui parle en langue s'adresse à qui? Il parle à Dieu. Lui, il parle à Dieu. Pourquoi vous dites qu'il dit ça? Parce que les gens alentour ne comprennent pas. Même celui qui parle ne comprend pas ce qu'il dit. Ne comprend pas ce qu'il dit. C'est pour ça que ça prend un interprète, parce que s'il comprenait ce qu'il dit, il pourrait l'interpréter lui-même. Mais il ne comprend pas ce qu'il dit. Donc, il parle à Dieu et il dit qu'il parle en mystère. Donc, c'est des mystères, c'est des choses cachées. Il dit des choses cachées qu'il ne comprend pas lui-même. Et là, il parle à Dieu, mais là, qui est édifié? Il dit, il s'édifie lui-même. Mais est-ce qu'il édifie les autres? Il dit, ben non. Il n'édifie pas personne. Il n'édifie pas personne dans l'Église. À moins qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. S'il y a quelqu'un là pour dire ce que la personne a dit, qu'est-ce que Dieu a voulu passer comme enseignement, là, on va édifier l'Église. Parce que qu'est-ce qui édifie l'Église? C'est-tu les dons? C'est là. Vérité, la connaissance de la vérité. Si on n'a pas la connaissance de la vérité, on ne s'édifie pas. si vous voulez avoir un enseignement là-dessus, lisez les Actes des apôtres et recherchez le mot « fortifier ». L'apôtre Paul et Barnabas et Silas allaient d'église en église et ils fortifiaient les frères et sœurs. Ils fortifiaient et l'édifiaient les frères et sœurs. Comment ils faisaient ça? Par la prédication de la parole. Tout le temps par la prédication de la parole. Par la prédication de la parole. Il y a juste une méthode, la prédication de la parole. Ton don va passer à travers la prédication de la parole. Parce que je peux faire l'expression de mon don de toutes sortes de façons, mais si ce n'est pas la vérité qui est partagée, ça ne sert absolument à rien. Spirituellement parlant, je parle. Ici, il dit celui qui parle, il s'édifie lui-même et c'est contraire. L'apôtre Paul, il dit c'est contraire au but des dons. Parce que le don, ce n'est pas pour t'édifier toi-même, c'est pour édifier l'Église. On ne reçoit pas un don pour soi-même. On reçoit un don pour les autres. On a vu ça dans le chapitre, je pense, c'était 12, 7, qui dit qu'on a reçu un don pour les autres. C'est pour ça qu'il dit, si tu parles en langue et tu n'as pas somme pour interpréter, tais-toi. On va voir ça plus loin dans l'Église. Tais-toi, ne parle pas. Parce que tu n'édifies pas par ça. Donc, ton don doit servir à édifier les autres. Si ça t'édifie toi-même, no good. No good. Tu ne dois pas faire ça. Et combien de personnes à qui j'ai parlé, qui me disaient, qui parlaient en langue tout seul chez eux. Je me disais, mais à quoi ça sert? Tu as reçu un don pour édifier l'Église, mais l'Église n'est pas là. À quoi ça sert? Tu veux t'édifier toi-même? Quand ton don, c'est là pour édifier les autres. Connaissez-vous la différence? La question, c'est pareil comme si moi, je fais mes études, et je me prépare mes sermons, puis je les prêche dans le miroir, puis je me regarde, puis je dis, ah, bon sermon un matin. Je me retourne chez lui. C'est tout ce que je fais avec mes sermons. Tout le monde dirait, mais il est malade, le gars. Pourquoi il fait ça? Voyez-vous, c'est un peu un exemple farfelu, mais c'est un exemple réel quand même, où celui qui a le don de servir dans l'Église, ça sert à lui-même. Il fait toutes des belles choses pour lui. Il fait toutes les choses pour lui-même. À quoi ça sert? C'est un don de servir pour servir les autres, servir l'Église. Mais si tu dis, je vais me servir ce matin, j'ai reçu un don de service pour me servir. C'est contraire à l'enseignement des Écritures. C'est contraire à l'enseignement des Écritures. L'enseignement ici dit, celui qui s'édifie lui-même, oui c'est vrai, quand il parle la langue, il s'édifie lui-même, mais à quoi ça sert? Il n'édifie pas le peuple de Dieu. La prophétie, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Toute l'Église comprend quand le prophète parle. Pourquoi? Il parle dans une langue que tout le monde connaît. Et toute l'Église est édifiée. Toute l'Église est dit que exhortée. Toute l'Église est consolée. Pourquoi? Parce que l'Église entend les vérités. Et ça la console, ça l'encourage, ça l'édifie. Et l'Église parle avec des vérités dans son cœur et elle peut servir Dieu et glorifier Dieu avec ça. Donc, il dit, vous devriez chercher d'abord la prophétie, parce que la prophétie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle édifie toute l'Église. Elle édifie toute l'Église. Donc, si vous avez cette capacité-là, quand vous vous rencontrez, quand vous êtes ensemble, les frères et sœurs, et on n'a pas besoin d'être ici le dimanche matin pour faire ça, hein? Je crois qu'on peut le faire quand on est ensemble, deux, trois, quatre ou cinq, s'édifier mutuellement et utiliser la prophétie. Et prenez des dons de prophétie. Il y en a qui ont des dons de prophétie, mais ça ne veut pas dire qu'un sermon, c'est un CD, un livre, une cassette, toutes sortes de manières aujourd'hui avec la technologie d'aller chercher l'enseignement pour s'édifier et édifier les autres après. Je me souviens, il y avait une femme qui avait dit à son mari, elle le dit quand j'étais là avec le couple, elle dit, j'ai assez hâte que tu régurgites ce que tu as appris. C'est un homme qui lisait tout le temps. C'est un intellectuel. Il lisait des livres de doctrine. Il lisait. Elle dit, j'ai assez hâte que tu décides à vomir tout ce que tu sais pour édifier les autres. Finalement, il est devenu pasteur avec le temps. Il est encore pasteur aujourd'hui. Mais ça a pris du temps à se décider de redire aux autres ce qu'il avait appris. Et maintenant, il édifie l'Église avec le don qu'il a reçu de Dieu. Et ça fait une église qui grandit, qui se fortifie. Paul dit donc, pourquoi est-ce qu'on étudie, on doit utiliser la prophétie plus que les langues? C'est quoi la première raison? Parce que l'église, elle est édifiée. Toute l'église est édifiée. Pas juste une personne. Toute l'église. Donc, il dit, quand vous êtes ensemble, aspirez plus à celui-là qu'à l'autre. Et là, celui, ceux qui valorisaient les langues, mais là, ils reçoivent une jambette un petit peu de la part de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit de ne pas le faire. Il a juste réglementé. Tais-toi s'il n'y a pas d'interprète. C'est pas l'interprète, tais-toi. Tu n'es pas là pour t'édifier toi-même. Tu es là pour édifier l'Église. On voit une deuxième raison à partir du verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas en révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlez en l'air? Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je parlerai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si je rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin que d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Donc, l'apôtre Paul ici donne comme deuxième raison, c'est quand il dit que la prophétie est plus utile. Est plus utile. Quand il dit que celui qui a le don de prophétie est plus grand, il ne parle pas ici de spiritualité, il parle d'utilité. Il parle de celui qui va être utile à l'Église, et non pas de celui qui est plus spirituel que l'autre frère ou sœur dans l'Église. Dans versets 5 et 6, Paul dit « Je désire que tous parlent en langue. » Je disais, il dit que vous parliez tous en langue. Donc, il n'est pas contre le parler en langue. Il dit, j'aimerais ça. Mais il sait très bien qu'il va à l'extrême ici. Là. Il sait bien que ce n'est pas possible. Ce n'est pas tout le monde qui va parler en langue. Parce qu'on a vu ensemble que le don est distribué par l'Esprit selon ce qu'il veut. Donc, il ne sait pas ça. Mais il dit, j'aimerais ça que tout le monde parle en langue. Je disais encore plus que tous prophétisent. Donc, Paul est en train de dire, si je pouvais choisir les dons que vous auriez, je choisirais que vous ayez tous le don de prophétie. C'est ça qu'il est en train de dire. J'aimerais ça que vous parliez tous en langue. Mais j'aimerais encore plus que vous parliez tous en prophétie. Parce que vous pourriez vous édifier plus. Parce qu'il dit au verset, du verset 7 à 12, parce que Paul désire l'édification. Il prend l'exemple de musique. Avez-vous déjà écouté de la musique et puis le gars, il ne sait pas ce qu'il joue? Moi, j'ai des petites musiques à bouche chez nous qui sont plus bonnes. Puis, je les donne à mes petits-enfants quand ils viennent. Puis, la plupart sont fausses. Moi, je joue un petit peu de musique à bouche, mais quand ils sont fausses, je les garde. Je les donne à mes petits-enfants parce qu'ils ne voient pas la différence. Et là, ils se mettent à jouer. Puis, après une petite secousse, papi et mamie sont pas mal tannés. Et on a bien beau les écouter, mais on ne reconnaît aucune chanson, aucune tune, aucune musique. Ils jouent de la musique, mais ils ne savent pas ce qu'ils jouent. L'apôtre Paul prend cet exemple-là ici. Il dit, quand tu joues de la musique, tu joues de la flûte, ou tu joues de la harpe, ou tu joues de la trompette, si tu ne fais pas un son distinct, il n'y a personne qui va reconnaître ce que tu fais. Il prend la trompette à la guerre. La trompette, tu sais, tu te sonnais la trompette, et les gens, aujourd'hui, on voit ça dans les films, les gens ont tous des petites radios dans les oreilles, puis ils se parlent par radio, attaque, attaque pas, puis couche-toi, couche-toi pas. Dans ce temps-là, il n'y avait pas des petites radios sans fil. Fait qu'il y avait la trompette. Et quand ils tenaient certaines, les gens attaquaient, le monde arrêtait, le monde arrêtait. C'était par la trompette qui donnait les ordres à l'armée. Mais il dit, si votre trompette ne joue pas les vraies tunes, mais il dit, il n'y a personne qui va aller à la guerre comme il faut. Puis il dit, si tu parles dans une langue que personne ne comprend, à quoi ça sert? Absolument rien. Absolument rien. Personne ne va être édifié. Ici, je ne vais pas rentrer dans le détail. Peut-être qu'on va le voir un petit peu plus loin dans une autre leçon qu'on va faire. Je ne vais pas arriver à l'interprétation. C'est les langues qui parlaient, étaient-ils des vraies langues ou pas des vraies langues? Certains chrétiens disent que c'était des vraies langues. D'autres chrétiens disent que ce n'est pas des vraies langues. En tout cas. Et vous savez, ici et dans Acte 2, certains évangéliques séparent ça en deux. C'est deux sortes de dons des langues. Parce que dans Acte 2, les gens parlent en langue et la foule d'inconvertis comprend ce qu'ils disent. Nous les entendons parler de Dieu dans nos langues maternelles. Donc, ils entendaient. Mais dans 1 Corinthiens 14, il semble que les gens qui sont là ne comprennent pas tout, en tout cas, ce qu'il dit par le parler en langue. Donc, il a ces deux sortes de dons différents. D'autres disent non, c'est le même don. Il faut qu'il y ait une chicane, là. Fait que peut-être dans une couple de semaines, on va étudier un petit peu, on va prendre une leçon spéciale dans les Actes des Apôtres, puis dans Corinthiens, puis on va mettre ça ensemble, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il en était. OK? Mais si pour le moment, peu importe la définition que vous donnez au don des langues, que ce soit des langues célestes, comme Paul va dire, ou des langues, vraiment des langues pour que les gens comprennent, comme dans Acte 2, parce que dans Acte 2, c'est facile à comprendre que c'est des langues connues, parce qu'ils ont les entend dans chacune de nos langues maternelles. Donc, certains chrétiens vont dire que l'apôtre Pierre parle une langue et qu'ils les entendent dans leur langue. Certains chrétiens disent ça. Donc, il y a toutes sortes d'interprétations là, par rapport à ça. Mais ce qui est important pour nous ici, qu'on est en train d'étudier, c'est que le don que nous avons, s'il ne sert pas à édifier les frères et sœurs, on doit se taire et s'abstenir de le pratiquer dans l'Église si ça ne fait pas l'édification des frères et sœurs. OK? C'est ce qui est important de retenir ici pour nous ce matin. Paul dit, je voudrais, du verset 13 à 19, je voudrais que vous utilisiez votre esprit et aussi votre intelligence. Parce qu'il dit, quand il dit, tu parles en langue, il dit, ton esprit est en fonction, mais ton intelligence n'est pas là. Parce que tu ne comprends pas ce que tu dis. Donc, il dit, utilise les deux. L'esprit, ici, c'est quand tu parles, et l'intelligence, c'est quand tu vas être capable d'interpréter et de dire aux autres qu'est-ce que ça veut dire. Alors, j'ai vu toutes sortes d'affaires, toutes sortes de choses se produire à travers mon ministère. Et j'ai rencontré toutes sortes de monde. Il y a des gens qui ont allé dans des mouvements, qui ont mis des enregistreuses, qui ont caché ça dans leur poche, puis qui ont fait enregistrer ceux qui parlent en langue. Après ça, ils sont allés voir des gens qui avaient le don d'interprétation, puis ils demandaient ça à différents dons d'interprétation. Il n'y a pas un qui interprétait la même affaire. Ça commence à ça que vous n'interprétez pas toutes la même chose. S'il y a un qui parle en langue, puis si vous êtes tous des interprètes du don de Dieu, vous devriez tous dire ce que ça veut dire. Pourquoi vous n'interprétez pas toutes de la même façon? Je me souviens d'un homme qui était allé, et lui, il avait parlé en langue pour démontrer que ce n'était pas vrai. Il avait récité le psaume 23 en hébreu, et le gars a interprété un paquet d'affaires qui n'était pas le psaume 23. Puis il se lève et dit, j'ai juste récité le psaume 23. Tout ce que tu dis là, moi, je n'ai jamais dit ça. Il y a toutes sortes de trucs de même que les gens se sont joués les uns avec les autres. Je ne vous conseille pas de faire ça. Je ne conseille pas de faire ça. Ce n'est pas la bonne méthode, je crois. Je crois que beaucoup de ces frères et sœurs là ont été élevés dans des églises qui enseignent ça. Si vous aviez été sauvés, là, peut-être que c'est ça que vous feriez aussi aujourd'hui. Peut-être que c'est ça que vous feriez aujourd'hui aussi. Il ne faut pas penser qu'on est plus spirituel, là. Ça n'a rien à voir avec notre spiritualité, c'est ça. C'est juste à voir avec comment est-ce qu'on étudie le texte, comment on interprète le texte. L'apôtre Paul, ici, il finit en disant, j'aimerais mieux dire 5 mots avec l'intelligence que 10 000 en langue. Le rapport est très élevé ici. Et c'est 2 000 fois plus. J'aimerais 2 000 fois plus parler juste quelques mots. Puis si on traduit en secondes, là, il dit, j'aimerais mieux parler 5 secondes avec la prophétie que 2 heures en langue puis personne ne comprend. C'est ce qu'il est en train de dire. Que l'emphase est tellement forte. Il dit, j'aimerais mieux dire 5 secondes, vous dire une vérité en 5 secondes que pendant 2 heures que personne n'a rien compris. Voyez-vous, quand l'important, ce qu'il est en train de dire, c'est « Je veux que vous soyez édifiés. Je veux que vous soyez édifiés. » Et c'est ce qu'il rentre avec un clou. Il rentre le clou, il rentre le clou, il rentre le clou, un après l'autre, et « Je veux que vous soyez édifiés. » On va en faire un autre petit bout, si vous voulez, verset 20 à 25. Je crois que c'est un des points les principaux. « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront même pas ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans l'assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre simplement un auditeur ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, et les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Ça, c'est je dirais personnellement que c'est le cœur du texte. Paul veut que la prophétie soit prioritaire, hein? Parce que la prophétie, c'est pour les croyants. La prophétie, c'est pour les croyants. Il dit c'est que le don des langues, c'est pour les non-croyants. C'est drôle, hein? Il dit que le don des langues, c'est pour les non-croyants. Et le don des langues, est au verset 20, il dit il doit être jugé. C'est une chose à juger. Verset 20, c'est ce qu'il dit. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Donc, on doit juger. On doit s'arrêter et penser ce qui se passe. Il dit, vous devez juger, qu'est-ce que vous entendez? Vous devez juger, qu'est-ce qui se passe? C'est un signe. Qu'est-ce que ça veut dire, un signe? À quoi ça sert, un signe ou une pancarte? Indiquer quelque chose, ça pointe vers quelque chose. Il y a un signe, c'est marqué Montréal, Québec, ou vous allez à la Jeuville Foire aujourd'hui, ils vont vous marquer des signes avec des flèches par là. Un signe, ça pointe vers quelque chose. Ça vous dit, c'est par là. C'est par là. Et je crois qu'un signe, c'est un signe, ça veut dire, c'est là pour nous montrer. Il dit, le don des langues est un signe pour qui? Pour les non-croyants. Dieu a donné le don des langues comme signe pour les non-croyants. Et s'il n'y a pas de non-croyants, on fait quoi? C'est une question, une bonne question à se poser. S'il n'y a pas de non-croyants, est-ce qu'on doit parler en langue? S'il n'y a pas de non-croyants, si le signe est pour les non-croyants et qu'il n'y en a pas, on fait quoi? C'est une bonne question à se poser. C'est un signe de quoi? Selon le verset? Un signe de jugement, de condamnation. C'est un signe de condamnation pour les inconvertis. C'est fort, hein? Le texte dit que Dieu a donné le parler en langue pour que les non-croyants soient jugés et condamnés. Ce n'était pas pour que l'Église soit édifiée. Parce que l'Église va être édifiée seulement si y a un interprète. Mais l'interprète va dire quoi, lui? Que les inconvertis sont condamnés. Parce qu'ils ne se sont pas tournés vers le Seigneur. C'est parce que Celui qui parle en langue doit parler de façon telle que l'inconverti sait qu'il est condamné. C'est ça que le Seigneur. C'est pour ça qu'il était donné le don des langues. Pour. Dieu dit, c'est dans le texte, dit, Dieu a dit dans l'Ancien Testament par les prophètes, je parlerai à ce peuple par des étrangers. Et dans Acte 2, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est adressé à son peuple, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu parlait aux étrangers par le peuple d'Israël. Israël était le porte-parole de Dieu pour les nations. Dans Acte 2, c'est les nations que Dieu prend puis s'adresse à son peuple. Il a inversé le processus. Il prend des païens, et les païens, des langues païennes, ils parlent aux juifs qui n'ont pas cru à l'Évangile, qui ont rejeté le Messie, puis ils les condamnent. Ils les condamnent. Ils les condamnent. Le parler en langue, c'est un signe de jugement pour les non-croyants. Parce que les gens qui ont écouté, les premiers qui ont parlé en langue, dans Acte 2, c'était des non-croyants. Ils ont entendu les choses parler et puis ils ne croyaient pas en Dieu. Ils ne croyaient pas à l'Église. Ils sont pleins de vin doux, papa. Ils n'ont pas voulu croire à eux autres, ces gens-là. Il y en a une gang qui se sont convertis puis ils ont fini par croire. Mais le restant, ils ne se sont jamais convertis. C'est un signe. Dieu s'adresse à vous pour montrer que vous avez mal agi envers le Messie que je vous ai envoyé. Dieu vous condamne parce que maintenant, il se détourne de vous, il se retourne vers les nations et il va utiliser les nations pour proclamer l'Évangile. C'est un signe de jugement. Premièrement pour Israël, et ensuite pour tous les autres non-croyants. C'est bien pensé. Lisez bien le texte. Puis là, il dit, la prophétie, elle, au contraire, c'est pour les croyants. Les langues, c'est pour les non-croyants. La prophétie, c'est pour le croyant. Il dit, s'il y a des non-croyants dans l'Église, et que tout le monde parle la langue, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent, vous êtes fous, pourquoi ils vont dire ça? Personne ne comprend rien. Tout le monde parle, mais personne qui se comprend. Même tout, je dirais ça, là, à un moment donné. Là. C'est fou l'affaire. Ça n'a pas d'utilité. À quoi ça sert de tout parler en langue si personne ne comprend? Mais il dit, si quelqu'un parle, qu'il proclame les vérités de Dieu, les gens vont quoi? Se convertir. Ils vont tomber sur leur face. Ils vont en dire, Dieu est vraiment ici, dans ce milieu-là, avec ces gens-là. Dieu est vraiment ici. Ils vont se tourner vers Dieu. La prophétie, c'est pour les croyants. S'il y a des inconvertis là, puis qu'ils entendent, ils ont une chance de se convertir. Parce qu'ils entendent, puis ils comprennent quelque chose. Donc, Paul dit, favorisez dans l'Église la prophétie, au détriment des langues. Pas dit de ne pas utiliser les langues, mais il dit, la prophétie est beaucoup plus utile dans l'Église, parce que l'Église, c'est le rassemblement des croyants. C'est pas le rassemblement des non-croyants. Beaucoup de gens me demandent, pourquoi je ne fais pas rien le dimanche matin pour les inconvertis? Mais je les inconvertis, je ne m'intéresse pas aux autres le dimanche matin. Pour moi, le dimanche matin, c'est pour les croyants. Je dis souvent aux chrétiens, si vous voulez qu'on fasse de quoi pour les inconvertis, dites-moi-le, on va faire une réunion spéciale pour inviter les inconvertis. Mais pour moi, le dimanche matin, je m'adresse aux croyants. C'est les croyants. L'Église, c'est le rassemblement des croyants. C'est pour ça qu'on est ensemble. Pour ensemble proclamer la vérité et s'édifier pour aller atteindre aussi les inconvertis après ça. Donc, méditez là-dessus. Si vous avez des questions, on va y venir la semaine prochaine. On va terminer le texte la semaine prochaine. On va regarder ça ensemble, encore plus profondément. Qu'est-ce que Paul dit de faire à ceux qui ont le don des langues? Je vous dis, si vous me dites à moi, François, j'ai le don des langues, je ne vous dirai jamais que ce n'est pas vrai. Mais je vais vous dire comment l'utiliser selon les Écritures. Je vais vous dire comment l'utiliser sur les Écritures. On va regarder ce que les Écritures disent. On va essayer ensemble de respecter ce que les Écritures disent par rapport à ça. Pas aller au-delà. Pas aller en-dessous non plus. Que le Seigneur puisse nous aider à utiliser vos dons cette semaine pour l'édification du corps de Christ. Prions ensemble. Notre Père, je suis vraiment touché par le fait que tu veux nous édifier. Tu nous as sauvés, mais tu veux aussi nous édifier. Tu as mis aux côtés de moi des frères et sœurs pour m'édifier. Tu nous as donné les uns aux autres pour notre croissance spirituelle. Pour qu'on puisse s'exhorter, se consoler, s'édifier, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour qu'on puisse proclamer les vérités. Afin que tu sois glorifié. Et qu'on soit fortifié Aide-nous, Seigneur, dans nos rencontres mutuelles, dans nos visites les uns aux autres, qu'on puisse servir pour l'édification du corps de Christ. Seigneur, aide-nous à ne pas mépriser ou regarder comme étant moins spirituels ceux qui ne font pas comme nous. Mais aide-nous de regarder aux Écritures, trouver la vérité et la mettre en pratique pour nous, individuellement et en tant qu'Église, ici à Mont-Tremblant. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. OK, on va terminer avec un chant, si vous voulez bien, si vous voulez vous lever.